hyper pompier, hyper con. Et voilà, c'est Bulle de Rêve, voilà. C'était en direct, on est en direct depuis 2 secondes, et oui, il y a des choses comme ça. La Bulle de Rêve, c'est toujours un peu surprenant. Donc vous êtes bien évidemment sur Radio Libertaire. Et donc pour 2 heures de cinéma d'animation, on n'était pas là la semaine dernière, il a failli y avoir une émission la semaine dernière, elle n'était pas, elle a pas eu lieu, mais je vous promets qu'elle aura lieu bientôt. C'était la suite de notre émission sur femmes et cinéma d'animation. Il y a plein eu de bonjour, il y a eu plein de réponses, donc ça va être passionnant. Julie Roy du Canada, on parlera d'elle dans l'émission pour autre chose, mais elle écrit beaucoup sur les femmes, notamment au Québec, et il y a plein de choses très très intéressantes qui se sont mises en place. Donc voilà, on parlera de ça, et j'espère faire une émission bientôt qui s'appelle Politique et Animation, où j'espère que l'un des invités autour de cette table reviendra pour cette fois-ci nous parler et de voir comment en cinéma d'animation on peut parler aussi de politique et de combat. C'était à travers, j'ai eu l'idée depuis longtemps, mais notamment parce qu'il y a eu un film réalisé par quelqu'un qui s'appelle Paul Poutre, son nom de scène anti-Sarkozy, on ne peut pas lui en vouloir évidemment, au contraire. Et donc voilà, donc c'était, je me disais, mais qui était très caricatural, et je voulais savoir comment on pouvait parler de politique à ce niveau-là. C'est une émission qui plaira à Florentine, elle n'aime pas ça qu'on parle politique, parce qu'on s'engueule tout le temps, donc elle fait « j'aime pas que vous parlez politique ». Donc voilà, on en parlera, pour lui faire plaisir, vous ne savez pas, mais hors antenne, visiblement Florentine aurait dit qu'elle elle continuait à Bulle de Rêve. Je continue à t'aider à faire les émissions, oui. Donc voilà, donc c'est énorme. Tu es sauvée, on a eu, voilà, Bulle de Rêve aussi, hein, y a pas que... donc voilà, donc vous savez qu'a priori, Bulle de Rêve revient à la rentrée, on espère en juillet pour une autre émission, mais à la rentrée, yes, on a gagné. Ça a été dur, hein, je vous dis, bah, chaque mois, je disais, voilà, Florentine s'en va. Là encore, hors micro, c'était une invitée, je dis, oui, elle s'en va, c'est pour ça, c'est terrible. Et... qu'est-ce que je voulais vous parler de quoi donc voulais-je vous parler d'autre? Des invités? Oui, c'est sûr, des invités. Je voulais vous parler en fait aussi un peu du Festival d'Annecy. Le Festival d'Annecy a clôturé ses portes il y a quelques semaines maintenant. Quelque chose d'important est arrivé puisque le départ de Serge Brombert, qui était le directeur artistique depuis maintenant plus d'une dizaine d'années du festival, ben il s'en va. Il décide de laisser la place. C'est bien, il faut toujours que les choses avancent et qu'on aille vers autre chose. Donc on va avoir un nouveau directeur artistique complètement différent qui s'appelle Marcel Jean, un monsieur très intéressant. Ouais, j'essaie de me placer pour le prochain festival, donc évidemment je dis plein de gentillesse sur lui. Mais qui a écrit un livre, si vous pouvez l'acheter, qui s'appelle Le langage des lignes, un livre où il cite Dolphy et Thelonious Monk, ça peut être quelqu'un d'intéressant. Donc voilà, donc c'est, on va voir ce que ça va donner, ça va être un vrai changement, Serge Brombert étant quelqu'un de passionnant. J'aimerais quand même dire, c'est vrai qu'il a amené beaucoup de choses. Il a amené les médias notamment. Il dit un peu partout dans la presse qu'il a amené les studios américains. C'est pas totalement vrai, je lui ai dit. Hein, c'est pas, voilà. Moi, j'ai vu La Petite Sirène de Disney en work in progress à Annecy il y a très longtemps. Et à l'époque, au MIFA, Disney avait un grand stand. Donc, faut arrêter ce truc. Les studios sont là depuis très longtemps. Et voilà, plus de Japonais, mais à mon avis, c'est pas dû à tout simplement une nouvelle direction. C'est juste dû que les Japonais sont de plus en plus intéressés à s'ouvrir un peu au monde. Mais voilà, plein de belles choses. En tout cas, on a vu une très, très belle édition, très diversifiée, je trouve. Aussi bien en court-métrage, j'en sais depuis longtemps, mais en long-métrage, j'en parlerai très prochainement sur The Web Anime, où je ferai une rubrique. Sinon, vous pouvez regarder déjà une rubrique, un post, un article, et vous pouvez regarder sur Food Anime, dont on parle souvent ici, où plein d'internautes ont raconté un petit peu leur festival d'Annecy. 3 invités aujourd'hui, une qui n'est pas encore au micro, qui s'appelle Okamoto Tamaki, donc qui va nous parler du cinéma d'animation indépendant japonais, de la distribution, et oui, encore du cinéma d'animation japonais. J'y peux rien, c'est comme ça. Enfin, si, j'y peux quelque chose, mais voilà, c'est comme ça, j'aime ça. Sandra Schultz, bonjour. Bonjour. Qui va venir nous parler d'une quelque chose qui s'appelle Sexpérience. Florentine, en annonçant l'émission, disait qu'on était un peu dans un post-Annecy et voir un petit peu sur ce qui s'était passé à Annecy. C'est vrai, et à la fois on va un peu plus loin. Sexpérience, il y a un film qui a eu le Grand Prix Annecy Tram de Michaela Pavlatova qui fait partie de cette expérience et de la collection. Donc on va en parler un petit peu, puis surtout de la collection en elle-même, d'une vision un petit peu différente, ou en tout cas décalée d'un cinéma érotique en animation. Et le retour après un long moment d'absence, il faut dire qu'il travaillait, il ne peut pas être là tous les samedis, tous les mois, de Franck Dion. Bonjour Franck. Bonjour Alexis. Voilà, vous avez entendu sa voix il y a quoi, 15 jours ici, hein? Oui, absolument. Avec Francis. Les gens vont se lasser, vraiment. Ouais. Non, mais pas du tout. Ça va être différent, Francis. Et toi, tu es le même, mais Francis et moi, on est différents. Donc on va poser oui, oui, oui, bah, c'est ça. C'est bien, il faut varier les plaisirs. Voilà. Mmh. Francis, que je remercie, puisqu'en fait, vous avez entendu en ouverture notre générique qu'on doit à Pierre Caillet. C'est la musique de Edmond était un âne, dont on a parlé, le film de Franck. Et... vous dire, j'étais pas à Paris, je me disais oh, comment je vais réussir à récupérer la musique, j'aime bien récupérer les musiques des films des fois, et j'ai eu un mail de Francis qui m'a dit oh, tu dois avoir tout préparé, mais comme il me connaît bien, ça voulait dire je sais bien que t'as pas complètement préparé ton émission, je t'envoie les sublimes musiques de Pierre Caillet pour le film de Franck, et génial, donc merci beaucoup à Francis, grâce à lui on a de la Francis musique. Est très organisé, ouais. Et il est toujours ponctuel. C'est fou, hein. Ouais. Ça n'a rien à voir avec moi. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment deux univers différents. C'est très intéressant. Merci beaucoup. J'adore commencer comme ça. Donc, et on va avoir droit donc à un autre morceau un tout petit peu plus tard. On en parlera. On va commencer. Là, les deux morceaux qu'on a entendus, c'était les petits chevaux et l'électrochoc. C'est le nom qu'a donné Pierre à ces deux morceaux. Est-ce que c'est toi ou c'est Pierre qui a donné les morceaux? Oui, parce que c'est les séquences en fait qui se rapportent à ça. D'accord. On en reparlera évidemment tout à l'heure. On va écouter. On va faire juste une petite pause musicale en espérant que notre peut-être invité arrive. Non, peut-être un peu plus tard. À la nuit. On parlera. Alors bon, alors avant d'écouter, comment s'est passé? On va commencer avec Sandra, bien sûr. Galanterie oblige. Je te remercie. Comment s'est passé? Non pas pour l'instant cette expérience. On en parlera après. Mais le festival d'Annecy, c'était la première fois que tu allais au festival d'Annecy ou Non, c'était pas la première fois. Ça fait 4 ans que j'y vais. Ouais. Et c'était la meilleure année, effectivement, puisqu'on a eu le prix avec ce film-là. Et je me souviens, il y a 4 ans, la première fois que j'y suis allée, c'était aussi avec le dossier de « S'expérience sous le bras ». Il n'y avait pas encore grand-chose dedans, mais j'avais passé une après-midi à Annecy avec mon petit dossier sous le bras à chercher des gens qui pouvaient participer au projet. Et voilà, et puis voilà, 4 ans après, ben, y a le premier film produit de cette collection a reçu le Cristal d'Annecy. Donc c'était... Lors de la cérémonie d'ouverture, Patrice Lecomte, qui nous présentait son malheureusement très mauvais film Le Magasin des Suicides, mais bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas disait, on a commencé à venir au Festival d'Annecy avec les croquis, ensuite on est revenu avec le scénario, on a essayé de trouver des coproducteurs à Annecy, on a montré les premières images à Annecy, et maintenant on montre le film complet à Annecy. Franck, toi qui as été notamment, qui a eu droit à des prix au concours de projet, enfin qui a un peu... Annecy c'est vraiment... espèce de pierre angulaire comme ça des festivals ou en tout cas de l'animation, on se dit tiens je vais trouver de l'argent, c'est pas mal là-bas ou c'est un peu surfait, c'est pas tant que ça vrai? Si, moi je peux pas dire le contraire en ce qui me concerne, c'est vraiment à Annecy que ma carrière de cinéaste d'animation est née puisque je connaissais personne, j'ai pas fait d'école d'art mais je voulais faire du cinéma d'animation et je me souviens très bien qu'en 97 j'étais venu au festival d'Annecy pour essayer de trouver des financements pour un très vieux projet que j'avais. Et à cette occasion, j'avais donc rencontré l'ancien directeur artistique, qui était Jean-Luc Tiberas, que tu as bien connu. Et j'avais eu l'occasion d'être dans la salle lorsque Sylvain Chomet avait reçu le Cristal. À l'époque, ça s'appelait pas Cristal. Non, c'est le Grand Prix. C'était le Grand Prix, voilà. Ouais. Pour La Vieille Dame et les Pigeons. Et je me souviens que j'étais tout en haut. Et j'étais absolument ravi pour lui parce que j'avais trouvé le film magnifique et en même temps ça m'avait donné l'idée d'envoyer mon projet à Didier Brunner, chose que j'ai fait quelques années plus tard et qui m'a valu de le rencontrer et qu'on puisse produire mon premier film. Donc vraiment moi j'avoue que j'ai commencé ma carrière de cinéaste là-bas, d'autant plus que j'ai eu la chance d'être retenu au concours de projet en 99 si ma mémoire est bonne. On va dire une variation du projet, mais c'était toujours dans le même univers, le même personnage. Et voilà. Donc, Sandra, toi, quand tu dis j'ai amené le dossier, je suis venu il y a 4 ans avec le dossier, c'est que tu avais le dossier, on t'a dit, tu savais qu'il fallait que tu ailles à Annecy, ou tout le monde t'a dit non, de toute façon, tu peux pas faire autrement. Non, je connaissais personne, donc ouais. Personne m'a dit d'y aller ou pas d'y aller. Je savais qu'il y avait un festival d'animation. Ouais. Moi, je suis plutôt BD, donc j'étais plutôt sur Angoulême. La première fois, je suis d'abord allée à Angoulême, et ensuite, je suis allée à Annecy. Et j'avais branché Michael Marin, donc, qui s'occupe du MIFA, pour qu'il me donne une invitation pour le MIFA. Parce que, voilà, donc j'avais présenté le projet, il m'avait donné une invitation gratuite. Et j'avais passé une après-midi au MIFA. Mais ça n'a pas apporté grand-chose parce que je ne connaissais personne. Voilà. Donc, j'ai rencontré personne, j'ai vu plein de films et puis le soir, j'ai repris le train et je suis repartie. Mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est pour ça que j'y suis retournée. Et globalement, ça m'a jamais vraiment... Il n'y a jamais rien eu de décisif qui s'est passé pour moi là-bas. Mais c'est toujours un grand plaisir d'y aller. Et c'est se gaver de films comme ça, faire la fête, rencontrer des gens. C'est toujours super, quoi. À part le Grand Prix de cette année, on se doute bien qu'il est important. Je ne sais pas s'il y a une ou deux choses à retenir du festival de cette année. Réfléchissez, Franck et Florentine, je vais vous demander la même chose. Ce n'est pas de chance, ça tombe sur Sandra. Ouais, non, mais moi, c'est surtout ça, en fait. Oui, c'est surtout le Grand Prix. Mais le Grand Prix, il y a eu quoi? Il y a eu d'être avec Michaela Pavlatova un peu partout, d'avoir été... Parce qu'il y a eu le Grand Prix, c'était... Franck, s'il y a eu un prix, on en parlera. C'était le samedi soir, tout à la fin, vers 18-19h. Oui. Mais avant ça, il y a eu toute une semaine. Est-ce qu'il y a une ou deux choses où ça, c'était vraiment bien? Un ou deux films, à part Tram, évidemment où, Non, il y a eu Edmond. J'avais beaucoup aimé le film de Franck. Enfin, tu dis ça pas. Non, j'ai voté pour ce film. mais c'était vendredi. Il est passé vendredi. Enfin, je l'ai vu vendredi, en tout cas. Donc, c'était en fin de semaine. Non, moi c'est vraiment ça a un petit peu mangé tout le reste ce prix, donc je reste vraiment là-dessus. Franck, toi, à part prix spécial du jury donné à Edmond était un âne, et là d'un seul coup évidemment dans la salle, c'est incroyable. Ouais. Non, ce que je retiens vraiment de cette édition, c'est d'abord j'ai trouvé, mais c'est sans doute dû au nouveau mode de sélection des films, j'ai trouvé qu'il y avait de nouveau une très belle variété de films, que c'était vraiment très équilibré. Sur le ton des films, sur... Non, vraiment. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps qu'en plus j'ai assisté à quasi toutes les projections de courts-métrages. Je ne suis pas du tout allé dans les projections de longs-métrages. Sinon, personnellement, c'est un Annecy qui est sans doute le plus bel Annecy que j'ai vécu, dans la mesure où une grande partie de l'équipe du film, donc de Edmond était un âne, était présente à Annecy. Et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement agréable et de festif et en même temps pas d'hystérique, mais de c'était vraiment très très agréable. Voilà. Florentine, toi, un ou deux moments de ce festival? Moi, j'y suis allée donc seulement deux jours, donc j'ai pas pu faire comme je le fais habituellement, voir toutes les séances. Quoique la première année, j'avais fait toutes les séances, et plus j'y vais, moins je fais de séances. C'est un peu la constante. Et en fait, j'y vais plus pour boire, l'ambiance, voilà. Et c'est vrai que l'ambiance était très... Moi, je suis arrivée vendredi, le mauvais temps partait pour laisser la place au soleil. On a pu profiter des terrasses, voir tous les gens qu'on voit finalement. Certains, je ne les vois qu'une fois par an à Annecy. Donc c'est vrai que c'est très agréable de reprendre des nouvelles de tout le monde, d'être tous ensemble là. Et après, effectivement, d'aller voir les films, moi, j'ai pu voir que 5 séances. J'ai été voir les panoramas aussi. En fait, il y a des films que j'ai beaucoup appréciés en compétition. Bon, Edmond m'avait touché aussi. Mais en panorama, j'ai trouvé des choses aussi très intéressantes et peut-être même plus intéressantes. Enfin, même au niveau de la qualité des films ou de le panorama m'a vraiment plu. Et il y avait des choses de réalisateurs qu'on connaissait ou de noms qui avaient été retenues que pour le panorama, où j'étais contente de les découvrir. Même si, par exemple, le dernier George Wiesgebel, par exemple, des choses qui étaient peut-être moins intéressantes que ce qu'ils avaient pu faire avant. Mais je sais qu'en panorama, je suis tombée sur des programmes où il y avait justement le dernier George Wiesgebel, le dernier Sandra Desmaizières, des choses comme ça. Mmh. Et j'ai beaucoup apprécié de voir tous ces films et de pouvoir suivre des réalisateurs, de pouvoir les retrouver ici. Petit Paolo Nicola Alighieri aussi, que j'ai beaucoup aimé, tout ce genre de film. Ouais. C'est important, le panorama est vraiment important pour ça. Ouais. Deux choses, donc. Oui, moi, je me souviens d'un truc quand même aussi, c'est y avait la programmation parallèle de Nancy Phelps et Bill Plimpton, qui a eu le vendredi soir dans un bar. Et en fait, c'est leur sélection de tous les films qui ont été rejetés par la sélection officielle d'Annecy. Ouais, pas vraiment, mais en tout cas, oui. Bon, en tout cas, c'est présenté comme ça. Oui. Et il y a 4 sessions. Moi, j'ai vu la première qui était vraiment super. Il y avait vraiment des films très... Non, je dis pas vraiment parce qu'ils n'ont pas accès... aux films vus par le comité de sélection, mais ils sélectionnent dans l'année, enfin voilà, des choses qu'ils ont vues, donc c'est un petit peu différent. C'est des films qui en effet ne sont pas en sélection à Annecy, mais voilà, c'était en juste tout cas, pour c'est la une petite précision. Sélection. D'accord, en tout cas c'était l'un des beaux moments. Et c'est des petits moments qui sont un petit peu en dehors du festival, mais qui font partie du festival, parce que c'est là aussi depuis des années, et qui sont très, très sympas. Quoi. Et donc alors, Moi, je veux juste dire qu'en effet, on espère en tout cas qu'avec ce nouveau mode de sélection, où c'est directeur artistique maintenant, avec surtout les responsables, hein, Laurent Millon en tête, qui sélectionnent eux-mêmes et qui en effet ont une grande connaissance de l'animation et qui permettent, je pense, en effet, de récupérer des auteurs comme ça qui ne passent pas la sélection et qui sont importants de suivre. Donc, on va voir ce que ça va donner. L'année prochaine va être une année importante puisque Bonlieu n'existera plus. Enfin, il va y avoir des travaux. Donc, ça va quitter. On a Marcel Jean, nouveau directeur artistique, qui va amener aussi des choses complètement différentes. De plus en plus de choses parallèles se mettent en place aussi à Annecy, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins. Cette année, ben moi, j'ai participé à une des manifestations parallèles. Il y avait celle, en effet, de Bill Plimpton et Nancy Phelps, donc depuis 3-4 ans maintenant, qui est mis en place, plus un Annecy Off qui, là, n'a pas marché, qui était quelque chose d'assez commercial. Donc, on a quelque chose d'assez étonnant qui est en train de se passer à Annecy, qui montre d'ailleurs l'importance, hein, du Festival Annecy, c'est toutes ces manifestations off, on va dire. Franck, tu voulais dire non, Oui, parce que j'ai oublié. Cette année était tellement dense que j'en ai même oublié de parler des rendez-vous que tu animais tous les matins. Non, mais c'est pas pour te tirer les pompes. Je m'en fous. Je m'en fous totalement de tirer les pompes, tu sais bien. Oui, mais oui. Non, c'est parce que j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et il faut rendre hommage aux gens qui t'ont invité aussi, non seulement à toi, bien sûr, parce que c'est toi qui animais quand même pendant 4 heures, c'est ça, tous les matins ? 3 heures, ouais. 3 heures et 4 heures et demie tous les matins. Ouais. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et donc, faut rendre hommage... aux ateliers d'animation d'Annecy. Voilà. D'animer dans un cinéma le Nemours, en effet, d'animer... voilà, un peu, c'est pour ça que je dis ça, c'est que moi j'ai fait la même chose, mais on n'a pas accès à la sélection, donc de récupérer des films que moi j'ai bien aimés, et puis voilà, ou alors de pouvoir parler, Franck est venu pendant une demi-heure, Théodore Huchef est venu pendant une heure aussi, Shin Hashimoto, on a Mireille Mizoué, des auteurs comme c'est ça, plus passionnant. Un très très bon moment aussi avec Jean-François Laguillonni, que tu as loupé malheureusement, très très bon moment, qui nous a montré des images de Louise Enhiver, son prochain film, qui a parlé de son storyboard sauvage, où on a vu des images d'un storyboard qui fait au tout début de son film, assez passionnant, j'aime pas le mot magique parce que de suite il y a un côté, mais vraiment passionnant et c'est vraiment intéressant d'avoir tous ces moments, encore une fois, off maintenant et en parallèle, un festival qui, comme dans tout n'importe quel gros festival, doivent exister, on va dire, la plupart des... Voilà. Donc c'est important ça va être l'édition, en tout cas, de l'année prochaine, va être vraiment primordiale pour savoir ce que veut Marcel Jean comme nouveauté, ce qui va amener, parce qu'on n'est plus à Bonlieu, et de voir si on va ramener un peu, moi ce qui m'a toujours embêté, je l'ai toujours dit à ce micro, un peu plus de contenu, on va dire, au niveau par exemple des pays, au niveau que je trouve avait un petit peu quitté Annecy avec Serge Bromberg, mais encore une fois, hein, on ramène des choses différentes en tant que directeur artistique. Est-ce que lui va ramener ça? Est-ce qu'on va avoir un meilleur équilibre, on va dire, entre les gros gros trucs? Et puis, faut savoir que par exemple, depuis quelques années, alors que la grande séance était à 21h pour les courts-métrages, elle a été remplacée à 20h30 par du long-métrage, Madagascar 3, ce genre de choses. Voilà, comprends, mais bon. Si je puis me permettre, c'est mieux pour nous parce qu'on peut aller bouffer après. C'est vrai. C'est vraiment très agréable. C'est difficile de trouver les moments pour aller manger. C'est vrai, c'est vrai. On va s'arrêter là, je pense que c'était une bonne manière. Alors, à cette époque de l'année, vous n'avez pas de chance au niveau de la musique. Je reviens du Hellfest, donc qui est le festival métal, et vous avez droit à du métal pendant tout, donc ça va être assez lourd. J'ai commencé par pas trop lourd, vous avez de la chance. Alors ça, je le dis à Ariel qui est là et qui est aujourd'hui, merci, qui reste là. C'est la numéro 2, tout à fait. Et alors, je commence doucement avec vous, et après on va devoir couper parce que le troisième morceau fait 10 minutes 40 et le quatrième fait 17 minutes 56. Donc on coupera, on en mettra 4 minutes, mais le deuxième on la met en entière, elle fait 5 minutes comme ça va nous permettre. C'est l'une de mes découvertes du Hellfest, ça s'appelle Color Haze, c'est un groupe allemand, vous allez l'entendre, et on est quand même très très proche, là vous allez voir, c'est pas trop lourd, on est plus proche de Hendrix ou de Led Zepp que du métal. Donc voilà, on écoute un morceau qui s'appelle Moon en live. Merci Ariel. De toute façon, on se croit. Alors, Voilà, évidemment, un petit problème, ça faisait longtemps. normalement, j'avais pas assez de problèmes. On va voir si Ariel réussit. Tant pis, est-ce qu'on peut avoir le morceau 3 ? Dans ce cas-là, on va attaquer super fort. Mais dans ce cas-là, faut pas mettre trop fort, même chez vous. Enfin, sauf si vous aimez vraiment ça, mais voilà, faut. Après, on essaiera de remettre la 2. Est-ce que tu arrives à le faire ? Pour l'instant, ça dit, ça me mique disque erreur et je n'arrive pas à l'éjecter. Wow. Oh là là. M'embraye. Bah, je crois qu'on va être obligé. Hein. Si bah, jamais... je vais essayer de le passer sur un autre lecteur. Ok, génial. J'essaie de le retirer, après je passe sur un autre lecteur et je te fais signe. Tu me fais signe. Waouh, merci. Donc, est-ce qu'on va commencer directement ? Sandra. Encore moi ? Ouais, c'est toi qui commences en fait. Je prends ma. Comme ça, c'est fait. C'est quoi le. Allez, comme on dit dans ces cas-là, le pitch ? Le pitch de s'expérience. De s'expérience, juste en une ligne. En une phrase. En une phrase, pardon. S'expérience, c'est une collection de films d'animation sur les fantasmes de femmes, et c'est des films faits par des femmes. Quand est-ce qu'est venue l'idée et l'envie de faire ça ? 2007. D'accord, pourquoi ? Tu te rappelles du déclic ou Ouais, je me rappelle du déclic. Il y a plusieurs choses. Il y a une frustration personnelle, déjà, de ne pas voir de films érotiques qui me plaisaient à moi personnellement. Je suis très BD comme je disais tout à l'heure, et puis il y a une BD particulièrement que je trouve très, très, très érotique, c'est Magnus, les 110 pilules. Mmh. Et je me suis demandé pourquoi les films porno en général ne me branchaient pas, et je pense que ça fait bien du fait que c'est du live, et d'où l'idée de faire de l'animation. D'accord, voilà. Donc c'est venu en fait de suite, l'animation, c'était pas tiens je veux parler de fantasmes féminin par des femmes, on verra bien comment ça va donner. C'était de suite en cinéma et de suite en animation. Voilà, l'idée c'était tout de suite faire des films érotiques en animation. Et puis je voulais confier ça à des femmes parce que c'est en général des films qui sont plutôt confiés à des hommes. Enfin, l'industrie pornographique c'est plutôt un truc maîtrisé par des hommes. Donc voilà, je voulais que les femmes prennent la parole sur ce sujet-là et qu'elles disent vraiment ce qu'elles avaient, enfin, en tout cas qu'elles montrent ce qu'elles avaient envie de voir elles. Qu'elles fassent des films qu'elles auraient eu envie de voir. À la télé ou au cinéma. Tu dis là, c'est plus en fait donc ton problème au pornographique et non pas érotisme. L'idée, c'est vraiment de faire de la pornographie. Au début, c'était plus ça. Je me suis un peu calmée. On m'a calmée aussi. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est toi qui t'es calmée ou est-ce qu'on t'a dit non, c'est pas pour le moment, c'est trop tôt. Non, déjà, c'est un projet qui est très compliqué en étant érotique. Enfin, moi, j'appelle ça plus sexographique parce que c'est vraiment un moyen terme entre la pornographie et l'érotisme. C'est plus que de l'érotisme, c'est moins que de la pornographie. Et c'est déjà compliqué comme ça. De trouver des financements, des chaînes, etc. Donc la pornographie, là, on rentre vraiment dans un cadre qui est complètement différent, où c'est une industrie et où on ne peut clairement avoir des financements que de cette industrie-là et des modes de diffusion que par cette industrie-là. Donc voilà. Et puis les filles n'avaient pas tellement envie non plus d'aller dans le porno. Elles étaient plus... Et comme je leur ai laissé carte blanche, on est parti sur un truc... Il n'y aura pas non plus de censure, et que on en parlait tout à l'heure, mais évidemment, pour l'instant, il faut déjà que cette première collection se mette en place. Mmh. Mais évidemment, l'envie de faire plusieurs collections est déjà en tête. Il n'y aura pas de censure. Et si quelqu'un, d'un seul coup, vient, une femme avec un film vraiment pornographique, Faut voir. Ça reste ouvert. Il y a des films que j'ai refusés parce que c'était soit trop masculin, soit ça allait trop loin et c'était irrespectueux ou... C'est difficile, ça. C'est quoi, trop masculin? Ah oui, c'est... Il y a deux hommes, là, et d'un seul coup, les deux... Non, mais surtout les respectueux. Oui, ouais, c'est... Non, après, il y avait des trucs irrespectueux par rapport à la religion. Ah, d'accord. Voilà, et j'avais pas envie de m'emmerder avec des problèmes en plus. Je te comprends. Voilà. C'est déjà compliqué, donc essayons de... Essayons déjà de vendre ça, et puis... Donc ça, c'est irrespectueux, mais trop masculin. Trop masculin, c'est... Bah, on est toutes quand même vachement imprégnées par cette culture... masculine, mm-hmm. de la pornographie. Donc il y avait des filles par exemple qui me faisaient des dessins avec des filles avec des gros seins, des grosses fesses, très très siliconées, même dans le dessin, quoi. Et ça a été difficile de se détacher de ces schémas un petit peu imposés. Donc il y a une directrice artistique, c'est toi. Oui. Et donc il y a vraiment l'idée de dire bah voilà, c'est le choix, c'est-à-dire tout ce qu'on va voir, ça sera toi. Non, après, on décide ça. Non, parce que je consulte quand même, je consulte les filles, je consulte le collectif là-dessus, sur les scénarios en général. Je leur demande lesquels leur plaisent, lesquels leur plaisent moins, etc. On fait les choix un peu ensemble. La prod aussi, évidemment, Sacrebleu a son mot à dire. Ouais, on fonctionne plutôt comme ça. C'est d'abord moi, parce que c'est moi qui fais un peu le lien, qui reçoit les, enfin, qui recevait les scénarios, les images, etc. Et qui demandait leur avis aux filles. Mais après, effectivement, si je vois vraiment qu'il y a un film qui bloque, qu'aucune fille du collectif n'aime, je me dis, bon, si elles n'aiment pas, le public ne va pas aimer non plus, quoi. Le collectif, vous êtes combien ? Il y a combien de personnes qui... Alors, il y a un collectif large, parce qu'on a, en fait, on avait plus d'une vingtaine de films. On a écrit vraiment beaucoup de scénarios, on a fait beaucoup d'images. Et on s'est restreint à 11 films pour faire une collection qui a une durée aussi un peu homogène. Mais on est 15, mais le collectif large, on doit être 20-25. Donc on part sur d'abord des scénarios, d'abord des idées d'histoire, ouais. avant ouais. d'avoir du graphisme, avant ouais, d'avoir ouais. de l'animation. Ouais. Donc on a des auteurs. Moi j'ai noté, écrit par Michaela Pavlatova, décidément. Ouais. Anne Roquette. Rouquette. Anne Roquette qui fait de la BD. Rouquette, d'accord. Ouais. Nora Tuomé. Tuomé, ouais, qui a travaillé sur Cartoon, Brendan Cartoon Saloon, et le Secret Case. Marguerite Abouet. Abouet, ouais. Abouet, on dit, d'accord, qui BD aussi. Oui, qui a fait Aya Diopungo, toute cette collection. En train d'adapter sa propre BD en film. Voilà, qui va sortir bientôt, ouais. Après, je ne connais pas Lucille Gomez. Lucille Gomez, elle fait de la bande dessinée aussi. Elle a un blog. D'accord. Enfin, ils ont tout un blog, de toute façon. On pourrait toutes les retrouver sur Internet. Darijan, elle écrit. D'accord. C'est pareil, elle écrit, c'est une scénariste avant tout de prise de vue réelle, non de Non, romans, non, non, elle a plusieurs cordes à son arc. Ouais. Elle est conteuse, en fait, au départ. Elle est musicienne aussi, elle écrit des scénarios, elle fait plein de choses. D'accord. Elle est aussi sur Internet. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Bout à bout. De toute façon, vous savez... j'ai oublié de le dire, tous nos invités autour de la table, comme d'habitude, si vous regardez sur The Web Anime, vous avez une petite news et vous avez, alors, cette expérience, c'est une page Facebook. Vous avez bien sûr sur Carte Blanche le lien sur le site de Carte Blanche et bien sûr sur Edmond était un âne. Vous avez aussi la bande-annonce de Tram, la bande-annonce d'Edmond était un âne, la bande-annonce de Moderne numéro 2 de Mireille Mizou. Enfin, vous avez plein de possibilités de vous accrocher à des images pour ceux qui ne connaissent pas et ensuite, évidemment, de faire des recherches. Sandra Cabezuelo. Cabezuelo, c'est une Belge, oui, qui écrit et qui dessine aussi, mais qui est plus dans l'illustration. Donc elle travaille en binôme avec Sarah Vandenboom, qui a fait les visuels et qui va réaliser. Et Sandra Schultz. Oui, donc voilà, écrit plusieurs scénarios. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? Donc là, on a les 8 scénaristes, c'est les 8 premières qui se sont lancées d'après des histoires qu'on leur a données, c'est ça pour certaines? Non, c'est que les originales que vous avez écrites. Originales, ouais. Je leur ai donné carte blanche. Il y avait quelques contraintes narratives qui étaient de vraiment de plonger dans le fantasme à partir d'une situation réelle et de revenir, de sortir du fantasme. Voilà. Mais après, elles ont fait ce qu'elles voulaient. Donc on a ça, et dans le petit texte de présentation, il y a bien marqué qu'il y a en fait une volonté de mélanger les genres et qu'il n'y ait pas qu'un seul genre. Ouais. Hein, je ne vais pas dire tout, mais burlesque, onirique, comédie, poésie, gourmand, exotique, fantastique et romantique. Voilà. Donc voilà, il y avait vraiment l'idée de pouvoir montrer le fantasme féminin sous toutes ses formes, ou non, c'est tombé comme ça? C'est tombé comme ça. Vraiment, oui. Ouais, ouais. Vrai. Non, elles avaient carte blanche et on en a déduit après ces genres, on a analysé, on a sorti ces genres-là, mais c'était pas décidé avant. Donc t'as ces histoires-là, les histoires se mettent en place, les scénarios, et ensuite là tu commences à regarder, à dire bon, à part bon évidemment quand on a Michaela Pavlatova elle-même, qui fait tout seule, qu'il n'y a pas de problème de se poser la question de savoir qui va réaliser, non. Mais quand on a les autres, en effet, comme tu dis bien, qui n'ont pas forcément, sauf Nora Tuomé aussi, ouais. Qui a réalisé, qui fait tout seule. Mais les autres, a priori, dans ce que tu as dit, même si certaines vont passer à la réalisation, et Marguerite Abouet, qui a déjà commencé à réaliser un long métrage. Mm-hmm. Comment on fait pour trouver, avec ces films, toi, comment tu fais? Tu as fait tous les festivals d'animation, tu réalises, oh, ça j'adore. Ouais, Annecy, j'ai trouvé des choses à Annecy, et puis je suis allée surtout sur Internet, je suis allée sur tous les sites des festivals, j'ai rebondi de blog en blog pour trouver... les visuels qui me plaisaient, mais pas seulement, parce que j'ai aussi essayé de faire quelque chose qui graphiquement était très diversifié. Donc on a des choses qui sont des dessins qui sont très riches, et puis des choses très épurées, comme Tram, justement, où il n'y a pas de décor, où c'est assez simple. Voilà, pour vraiment offrir un truc assez varié, des univers graphiques très variés. Quoi. Donc c'est parti de coups de cœur par rapport à des gens pour écrire des histoires, et ensuite c'est rebondi sur des coups de cœur aussi au niveau de la réalisation. Ça s'est fait à peu près en même temps. Et d'accord. Les filles que je contactais, je leur demandais ce qu'elles avaient envie de faire, ce qu'elles avaient envie de, de travailler sur un scénario existant ou si elles avaient envie d'écrire leur scénario pour le mener jusqu'au terme toute seule. Et voilà, et ça s'est fait comme ça en discutant les unes avec les autres. Alors, ce qui est étonnant quand on regarde les réalisatrices, justement, c'est la différence qu'il y a. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un comme... Ben on va reciter son nom, c'est pas parce qu'elle a eu le Grand Prix. Mikaela Pavlatova. Mikaela Pavlatova, voilà, qui est là depuis un bout de temps. Retchi, qui a fait de très grands films dans les années, notamment 70 et 80, qui a continué. Donc, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Jusqu'à... alors, j'ai jamais réussi à prononcer son nom, mais si, je vais le faire. Juliette Oberndorfer. Oui. Oberndorfer. Voilà. J'ai eu en plus mon étudiante il y a longtemps, voilà, et pas si longtemps que ça, mais quand même. Donc, encore qui est toute jeune, parce qu'elle finit l'AMCA, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Des gens comme l'incroyable Gitanjali Rao, réalisatrice indienne, qui avait fait un film absolument sublime, Printed Rainbow, qui était passé à Annecy. Et qui avait eu un prix à Cannes. Tout à fait. Et donc, des gens, comme tu viens de nous dire, qui n'ont pas fait forcément d'animation avant, comme Anne Roquette qui va finalement réaliser. Maëlys Vallat, ça ne me disait rien. Les Gobelins, elle a fait Les Gobelins. D'accord. Elle a bossé sur, enfin, elle a travaillé sur The Lighthouse Keeper. D'accord. Qui a eu un prix Annecy aussi. Exact, ouais. Voilà. Donc on a ces noms-là. Et j'allais oublier, si j'oublie quelqu'un qui fait partie de Papy 3D, je vais me faire engueuler. Ouais. Avec un aimant de période. Donc Sarah Vandenboom, voilà, réalisatrice. Voilà, c'est mieux, oui. Ouais, hein, on préfère. Hein. Donc. Novecento, je n'arrivais plus à retrouver le nom, et La Femme Squelette, donc, et qui elle aussi va réaliser. Dans le... Deux films, elle va réaliser. Deux films. Wow. Comment on trouve un producteur pour ça? Sacrebleu, donc Sacrebleu, ils ont eu le coup de cœur. On a travaillé aussi avec Lardux au départ, Christian Paul qui avait le coup de cœur aussi. Moi, je cherchais en fait une productrice. Et c'est assez compliqué, il n'y en a pas tant que ça. Et puis effectivement, en plus, je ne connaissais personne, donc c'était assez compliqué. Et puis voilà, donc j'ai fini par envoyer le dossier à pas mal de monde. Et puis Lardux et Sacrebleu ont vraiment voulu travailler avec nous. Et voilà. Donc, comment on fait des courts-métrages? Parce qu'une série, on sait que ça se vend à la télé un petit peu plus facilement, même si ça peut être difficile quand il s'agit d'un sujet là, comme la sexualité... par exemple, mais comment on vend sur les courts-métrages où là, forcément, je pense qu'il n'y a pas de durée obligatoire sur chacun des cours. Si, les films font 7 minutes. D'accord. Et on a écrit aussi des liens entre... On a écrit un lien, un fil rouge, en fait, qui court tout au long et qui relie les uns aux autres les films de la collection. Donc, on peut le découper en épisodes. Et on peut aussi en faire un long métrage. Et l'idée de pouvoir, si ça marche, sortir en salle, en salle, en long, enfin en tout cas. Ouais. D'accord. Là aujourd'hui, par rapport au projet, tout est prêt, il n'y a plus qu'à tourner, il y a déjà des films, donc Tram, qui fait partie, donc là on l'a dit, a eu le Grand Prix, donc ça c'est bon, je suppose que évidemment pour le projet, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. On espère que ça va faire avancer les choses. Ça peut aider, voilà, pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, il y a quoi? Il manque des coproducteurs. Il y a des coproducteurs un peu partout. Il manque des coproducteurs, il manque des distributeurs, il manque des financiers, il manque une chaîne. Il manque pas mal de choses. Est-ce qu'on avec Sacrebleu, il y a quand même l'envie de continuer, même si les choses ont du mal à avancer, parce que ça peut prendre longtemps, on sait bien, de faire ce genre de collection. Non, ils sont très motivés, ils ont envie que vraiment ça marche, on est tous en plus super motivés par le prix de Tram. Je pense après que c'est un schéma compliqué, cette collection, et qu'il faut peut-être qu'on trouve d'autres modes de financement aussi, parce que voilà, les chaînes restent un peu frileuses. C'est un sujet qui est délicat, qui reste délicat, même si c'est... bon, il y a des films qui sont plus explicites que d'autres, mais ça reste quand même de l'animation, c'est pas du live, c'est pas du porno. Mais voilà, ça fait un petit peu peur aux gens. Les gens trouvent ça artistiquement très, très bien, très beau, mais ils ont du mal à s'engager vraiment, vraiment dedans. Canal+, avait lancé, c'était Canal+, qui avait fait faire le film à Florence Millaille. Ouais, non, c'était... C'était Arte. C'était Arte, oui. Qui faisait partie d'une collection aussi. Avec des prises de vol, c'était la seule qui était en animation. Voilà. Il y a des questions, Franck, qu'est-ce que tu en penses d'un projet? Je sais que quand j'avais fait l'émission, puisque tu me fais le plaisir d'être un fidèle auditeur, et j'ai fait l'émission sur Femmes Animation, tu as dit ça manque d'hommes. Et quand même, ça serait bien et tout. Là, dans chose, moi je sais que j'avais vu, Sandra, on va pas se cacher, je t'avais vu il y a longtemps, et c'est vrai que moi aussi, par rapport à la production, j'avais dit ce serait bien qu'il y ait un homme. Enfin, moi je trouvais intéressant qu'il y ait un homme aussi. Pas par, ravi, au contraire, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de femmes, et c'est quelque chose qui m'importe énormément, on fait pas mal d'émissions, mais je trouvais ça bien qu'il y en ait fait un regard un peu peut-être extérieure à ça, Franck. Transversale. Moi, c'est drôle parce que quand j'ai vu Sandra, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, pourquoi il n'y a pas d'homme ? En même temps, je comprends tout à fait le projet. Moi, je trouve le projet remarquable. C'est pour ça que je suis très jaloux, parce que quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me suis dit, mais bon sang, moi, j'adorerais faire un film de cul. Alors, je dis film de cul avec, parce que je suis pudique. Mais c'est vrai qu'un film sur le désir, sur le fantasme des femmes, mais aussi des hommes, c'est très intéressant. Sortir de tous les stéréotypes qu'on peut rencontrer, de ce qu'on lui donne à bouffer comme pornographie, truc imbitable, quoi, tout simplement. Moi, je trouve ça passionnant. Il n'y a vraiment pas d'alternative. C'est du porno ou du truc très soft. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Il y a un truc, moi, je ne sais plus qui disait ça, mais quelqu'un disait la pornographie, c'est l'érotisme des autres. C'est une phrase que j'adore, parce que ça résume vraiment, on a tous et toutes nos singularités en termes de fantasmes sexuels, je crois qu'on est beaucoup plus diversifié qu'on veut bien nous le faire croire, et donc c'est l'occasion, par le biais en plus de l'animation, qui est un vecteur que moi je trouve qui se prête parfaitement bien, qui se prête très graphique ou plus figuratif, peu importe. Mais non, je trouve ça... qui permet vraiment de plonger dans l'imaginaire et dans le fantasme. Exactement, exactement. Avec peut-être effectivement plus de facilité dans la mesure où on n'est pas dans l'explicite de la chair, d'un référent direct. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment passionnant. Et juste pour conclure, ça se vérifie largement avec Tram, qui est un petit bijou, quoi. Ça veut dire que c'est pendant 7 minutes, on rigole, c'est affriolant, on comprend bien le désir de cette femme. Moi, je trouve ça impeccable. Donc, ça fonctionne. Une contractrice de bus qui fantasme sur ses passagers. Ses passagers, voilà. Oui, c'est génial. Mais alors, quant à la présence des hommes dans le projet, comme je te disais tout à l'heure d'ailleurs, là c'est vraiment des femmes, parce que je voulais vraiment que donner la parole aux femmes, parce qu'elles l'apprennent pas assez et puis on leur donne pas assez sur ce sujet là en tout cas. Et mais l'idée effectivement, c'est après cette première saison, c'est d'en faire une deuxième avec qui soit mixte, qui soit avec des hommes, peut-être en binôme femme-homme, ou sachant que quand on parle de ça, finalement il y en a beaucoup qui sont lancés aussi récemment. Juliette Marchand, Tempête dans une chambre à coucher, Florentine Grelier, Pixel Joy. Oui, Florentine, tu as... Ça participe d'un élan, effectivement. Oui. Dans la bande dessinée aussi, il y a plein de BD qui sont sortis. C'est ce que... Je ne sais plus qui a fait Comtesse, mais il y a des BD, en BD, il y a beaucoup plus de choix et de choses qui sont montrées, qui sont justement entre l'érotisme et la pornographie. Alors, là, tout de suite, je n'ai pas tous les noms en tête, mais... effectivement, en BD, il y a de quoi faire, et c'est dommage qu'en animation, en tout cas au niveau du cinéma, il y a moins de choses. C'est toujours le même problème de la pornographie au cinéma, qui a toujours posé un problème. C'est ça. On parlera pas là trop de japonais, mais Oshima Nagisa, par exemple, avec l'Empire des Sens ou un peu la Passion, il y a eu plein de problèmes, il y a eu plein de choses, alors que bon, c'était déjà un auteur célèbre. Justement, on va faire pour rebondir et pour finir, est-ce qu'on regarde, par exemple, au Japon, il y a beaucoup d'animations qui peuvent être même pornographiques, il y a beaucoup de choses érotiques, les hentai, voilà, tout à fait. Il y a deux personnes, il y a si je ne dis pas de bêtises, Gitanjali Rao, donc, qui est indienne, Marguerite Aboué, qui est d'origine, je ne sais pas si où elle est, ivoirienne. Mm-hmm. Donc on a deux, Mikhaïla Pavatova, qui vient de Tchèque. On regarde comme ça, on essaie de voir aussi dans le reste du monde et se dire, on ne va pas rester évidemment franco-français. Et d'avoir un érotisme différent, je suppose que l'érotisme indien, si on regarde... Effectivement, Gitanjali Rao, quand je l'ai branchée sur le projet, elle m'a dit déjà qu'elle était super motivée, qu'elle voulait absolument faire partie de ce projet-là, qu'elle attendait ça depuis 10 ans, qu'on lui propose un projet pareil. Et puis elle a choisi un scénario qui existait, qui est un scénario qui se passait en Inde, en me disant effectivement que elle connaissait le langage du corps indien et que elle avait vraiment envie de prendre ça en main, quoi. On a une chance de voir ça quand, cette collection? Elle va commencer à... on peut voir Tram. On peut voir Tram, ouais. Après, faut qu'on ait les sous, quoi. Donc pour l'instant, c'est ça, c'est la recherche d'argent voilà. Donc si jamais s'il y a des mécènes qui nous écoutent. S'il y a des mécènes et des producteurs qui écoutent, n'hésitez pas. C'est un beau projet, c'est vrai que c'est intéressant. J'espère qu'il va nous en reparler, justement, pour nous parler un peu de l'avancée. Avant de recevoir donc Tamaki Okamoto, merci, qui est arrivé. Et Carte Blanche, j'ai parlé donc de la distribution du cinéma, notamment indépendant japonais. On va peut-être tenter une chance. Est-ce qu'on a la 2 ou... La 2. On va tenter, allez, Color Haze. C'est parti, on essaye. voilà, vous êtes bien toujours sur Radio Libertaire, forcément, puisqu'on parle de cinéma d'animation. La seule radio, on peut parler pendant 2 heures en direct. Vous ne voyez pas l'image, mais je fais 2 heures comme ça pour bien montrer qu'il y a 2 heures. Sans pub. Voilà, 2 heures sans pub, uniquement sur cinéma d'animation. Et bien sûr, mais c'est pour ça aussi que c'est bien Radio Libertaire et on peut faire ce qu'on veut. Sandra m'a dit, oh, j'ai oublié de dire quelque chose, est-ce que je peux le redire? Et bien sûr, donc Sandra, on t'écoute. Donc je voulais dire par rapport à cette expérience que je vais lancer une grande campagne de levée de fonds communautaire, on appelle ça du crowdfunding sur Internet, donc sur un site qui s'appelle indiegogo.com. Voilà, donc je vais le lancer là dans les jours qui viennent. Donc si vous voulez participer ou voir de quoi il s'agit, il y a une page Facebook, Sexpérience 2012, voilà, où il y aura toutes les informations sur cette campagne. D'accord, donc ça vous l'avez, puis nous on relayera ça de toute façon sur le site Ébulle de rêve et sur le site de The Web Anime. Merci beaucoup Sandra. Merci on Alexis. On va parler maintenant d'une de mes... dans mes cinémas préférés, le cinéma d'animation japonais, Kitamaki Okamoto, merci d'être venu, qui est la responsable d'une mystérieuse qui s'appelle Carte Blanche, merveilleuse société qui s'appelle Carte Blanche. Quand est-ce qu'est née Carte Blanche? Il y a 2 ans à peu près, après j'ai quitté ma société... Plus proche du micro. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Ça va mieux? Ouais, merci. Oui, il y a à peu près 2 ans, j'ai créé, après j'ai quitté la société dont j'ai travaillé, la société japonaise dont j'ai travaillé, pour vraiment me concentrer sur des films que j'adore. D'accord, c'était déjà une société qui faisait du cinéma d'animation? Oui, oui, oui. Avant? D'accord. Oui, oui, oui. Mais les choix et les films dans le catalogue, j'ai pas trop aimé, ça m'a pas assez motivant pour moi, mais... De toute façon, j'ai beaucoup aimé le cinéma et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et pourquoi je ne suis plus motivée. Donc j'ai décidé de quitter et j'ai commencé mes activités propres avec les réalisateurs que vraiment j'adore et j'ai envie de se donner. D'accord, donc Carte Blanche, c'est une création personnelle. Oui. C'est une envie, oui. Voilà, de se dire d'un seul coup, ben, voilà. J'aime des films, oui. Je veux les distribuer. Et produit aussi. J'ai commencé la production aussi. Donc j'ai produit le premier court-métrage avec Sacré Bleu justement. Cette année, c'est le film Great Rabbit, ouais, par Atsushi Shibada. Et heureusement, on a gagné un prix important à Berlin et ça nous a encore motivés pour faire un autre projet. Donc le choix des auteurs et des films, ouais, distribués, c'est un choix personnel? Oui, très personnel. Est-ce que ça tombe bien qu'il y ait une... On en a parlé à Annecy, on en a parlé ici même, et Dan Nguyen est venu nous en parler, on a parlé du cinéma d'animation indépendant japonais, oui, qui est une vraie vague aujourd'hui d'indépendance au Japon. Pendant longtemps, on en a parlé, il y a eu Yoji Kuri il y a longtemps, Yamamura Koji bien sûr, et que maintenant, il y en a, avec des écoles, il y en a énormément qui sortent. Ça, c'est important. C'est ce qui a aussi motivé le Carte Blanche. Oui, mais il faut que je précise peut-être, j'ai pas que des films d'animation. En effet. Je fais des films en fiction, documentaire, et je commence d'avoir long métrage aussi. Donc, c'est pas que d'animation en fait. Je suis pas spécialiste par exemple. J'aime bien des films d'animation, mais je sais pas comment il est par exemple, qui est vraiment très spécialisé, professionnel. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, le film japonais, je pense qu'en animation, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et il y a beaucoup de jeunes talents qui viennent sortir de l'école. Donc, je trouve facilement des films d'animation qu'en fiction. C'est pour ça que j'ai pas mal de films d'animation en ce moment. Et c'est même très important d'avoir des distributeurs qui, justement, ne sont pas spécialisés en cinéma d'animation et qui peuvent nous permettre, et encore plus producteurs, d'avoir des choses qui, justement, ne sont pas dans les mêmes caractéristiques, finalement, du cinéma d'animation qu'on a depuis des années, peut-être un peu ronronnant. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose. J'espère. Il y a un nom qui est l'un des noms peut-être les plus anciens, qui est Keishi Tanahami. Ah oui, oui, Keishi Tanahami, oui. Voilà, qui est presque un peu plus le doyen, presque, non, au niveau, oui. Presque plus le doyen dans les films. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a toute la nouvelle génération. Donc Atsushi Wada, on l'a dit, Mirai Mizue, on va en reparler, Keoyama et Shin Hashimoto, des gens que moi, j'aime énormément, on va en parler. Et il y a quand même, à l'intérieur, le film, alors, je prononce sûrement mal, mais... parce que je ne sais pas si c'est Kurosaka ou Konosaka. Ah, Kurosaka, oui. Keita Kurosaka, oui. Qui a fait ce film incroyable qui s'appelle Midoriko. Oui, il est incroyable. Qui était en compétition l'année dernière. Comment on fait avec un film comme ça quand on est distributeur? C'est uniquement pour les festivals? On essaye de le faire sortir en salle? On essaye qu'il sorte en DVD? Comment on fait? Au Japon? Ici. Je suis en train de chercher des bonnes idées de faire sortir ce genre de film. Même au Japon, c'est très difficile. Et par exemple, Keita Kurosaka, il a fait ce film pour, avec l'intention de faire sortir en salle. Mais c'est le film qui a la durée de 55 minutes, un peu bizarre. Et avec son producteur, ils ont quand même réussi de faire sortir en salle. Mais la distribution indépendante, et ça commence de trôner un peu dans les cinémas, les petits cinémas au Japon. Et ça attire pas mal de gens. Mais bon, c'est pas gros ce que c'est, c'était quand même très, comment dire, une challenge pour ce genre de film. Et avec The Great Rabbit, Atsushi Wada, c'est le court-métrage, donc c'est encore plus difficile. Mais avec CAF, ce collectif UK, Atsushi, Mirai et Nobuaki, on a décidé de faire la distribution avec le court-métrage de The Great Rabbit et les autres court-métrages. Donc, on a fait deux programmes. Un programme rétrospectif un peu sur Atsushi et une autre sélection de court-métrages international. Et ça vient de sortir, là, à Tokyo. Et après, en salle ? Oui, en salle, oui. Wow. À Tokyo, à Shibuya, Image Forum Theater. Donc, ça fait quelques jours qu'il est sorti. Donc, tous les jours, les membres de CARF, ils sont bien occupés. Voilà, mais donc, c'est-à-dire que Carte Blanche occupe de la distribution, pas uniquement en Europe ou dans le reste du monde, mais dans le monde entier, donc. Aussi bien au Japon que... S'il y a une possibilité, oui. S'il y a une possibilité, j'essaye de tenter tout, de faire tout. C'est bien, c'est important. C'est pas toujours facile, mais bon, c'est quand même excitant pour nous. Donc au Japon, à CAF, ils ont très envie de faire quelque chose avec The Great Rabbit parce que c'est un prix important pour le court-métrage de films d'animation. Et au Japon, les court-métrages en animation sont mal traités. Ouais. Un peu partout, hein, c'est pas qu'au Japon. Mais ici, beaucoup mieux qu'au Japon, par exemple. En France, c'est quand même privilégié, je trouve. Oui, mais il y a peu de sorties. Oui, c'est vrai, faut pas se plaindre, en effet. Voilà. C'est vrai, c'est bien, merci. Moi qui râle tout le temps, c'est bien de nous le dire, en effet, on a de la chance. Oui, donc au Japon, c'est difficile. Donc, on a pensé que c'est peut-être une bonne occasion d'attirer l'intention des gens en général au Japon. Donc, c'était quand même un projet un peu spécial. Il y a un peu de risque, mais bon. C'est toujours important. On avait envie de le faire. Ouais. Jean-François Leguioni nous a dit justement lors de ces matinées, il va sortir un long métrage, donc réalisateur français qui fait un long métrage, Louise en hiver, qui fait que 67 minutes, et ils ont décidé de créer un court métrage spécialement pour le sortir en salle, parce que 67 minutes c'était trop court, 62 minutes et qui a été écrit par Jean-François Leguioni, mais qui va être réalisé par quelqu'un d'autre. Et l'idée est intéressante d'un seul coup d'avoir en effet ce long métrage de... Et il n'a pas envie de le créer à 80 minutes parce que voilà, il l'a écrit, c'est comme ça. Mais il sait bien que pour la salle, ça ne marche pas. Donc ils ont fait en fait, ils recréent ce qu'était le cinéma à une époque, c'est-à-dire un court métrage et un long métrage. C'était bien. C'est dommage que ça se soit perdu. C'est l'un des grands problèmes aujourd'hui et c'est vrai qu'MK2 tente de le refaire. Moi j'ai vu des courts métrages d'animation, un très moyen d'ailleurs, j'étais un peu gêné dans la salle en me disant voilà, mais c'était bien quand même parce qu'il y avait des courts métrages et donc voilà, ça revient un petit peu. C'est peut-être une des possibilités parce que je sais pas au Japon, mais en France je sais que les par exemple l'une des séances qui a le moins marché l'année dernière en France, l'un des films, c'est des courts métrages qui étaient sortis ensemble. Et qui a fait très très peu d'entrées en fait. Les courts-métrages font peu d'entrées finalement en salle. Donc c'est pas, à part les festivals. On les vend aussi à la télé. Il y a des ventes télé, il y a des... je fais pas mal de... Je commence à avoir des ventes pour la chaîne et télévision Europe. Comme Canal+, Arte, en Espagne, en Portugal. Et je commence à développer un peu le réseau. Et il y a une demande. C'est pas toujours facile parce que... C'est vrai qu'en Europe, il n'y a plus des chaînes de télévision qui diffusent court-métrage, mais la prioritaire, c'est pour les films européens. Donc, les films étrangers, comme les films que j'ai, les films japonais, bon, il y a très, très petite place à voir. Mais bon, j'ai quand même bon contact, donc je commence à voir des films diffusés. Ça, c'est très bien. Et la diffusion en salle, je n'ai pas encore essayé parce que je pense que c'est très difficile. Et sinon, beaucoup de festivals et beaucoup de projections organisées par les organisateurs différents. Je reçois beaucoup de monde. Ça, c'est assez bien. Et sinon, à l'édition DVD. Alors oui, en effet, donc il y a donc Calf au début qui s'est lancé aussi là-dedans. Il y a 3 DVD qui sont édités pour l'instant, qui sont Mirai Mizue, Atsushi Wada. Atsushi et Tochka. Et Tochka, voilà, Tochka qui est ce collectif qui travaille avec la lumière et qui joue en effet. On attend tous, enfin, on attend tous. Parce que c'est l'un de mes réalisateurs préférés qui est tous. Moi, en tout cas, bon, en plus, je dis tous, c'est même parce que je l'ai. C'est même pas assez, c'est vraiment Keoyama. Le DVD de Keoyama aussi. Il va sortir cette année. Il va sortir cette année, voilà, qui est un réalisateur qui a réalisé Ensoap, qui est l'un de mes films préférés, en tout cas. Il donne l'impression de terminer le nouveau film. Oui, voilà, mais je lui ai dit d'ailleurs, j'ai envoyé en disant voilà, qu'il fallait qu'il termine un film qui s'appelle After School, qui est encore complètement fou. Enfin, quand on regarde la bande-annonce, il y a plusieurs styles dans les choses qui a l'air complètement encore fou. Quand on travaille avec quelqu'un comme Mirai Mizue, par contre, c'est peut-être un petit peu plus. Entre guillemets, facile à vendre. Là, il a eu un prix. On a de la chance. Là, on a 3 prix autour de la table. On ne l'a pas fait exprès. Hein, ce n'est pas voulu. Mais voilà, on a 3 prix. Et il a eu le prix de la musique. Et en fait, c'est un peu comme le prix du film parce que la musique est tellement importante avec le film. Enfin, c'est difficile de sortir la musique même du film de Modern numéro 2. Et en plus, Paolo, la musique est très importante pour ces films. Oui. Donc, il était vraiment très ému. Ça, c'est important. Très important. Ouais, d'avoir le prix d'Atsushi Wada à Berlin. Là, ce prix-là, c'est. Plus Beluga a eu un prix à Zagreb, non? Oui, et The Great Rabbit aussi à Zagreb. Et dans les un peu plus d'autres festivals un peu plus petits, on a pas mal de prix cette année. Donc, c'est pas mal pour tous ces jeunes animateurs japonais. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui? Alors c'est une question où moi j'ai une réponse, mais qu'est-ce qui plaît dans le cinéma d'animation japonais indépendant? Il y a eu, je pense qu'on en a souvent parlé, il y a Mamoru Hakoji qui a un peu lancé quelque chose. Et aujourd'hui, il y a des choses étonnantes. Beluga fait une carrière très... Enfin, une très, très très belle carrière. Et pourtant, si on se rappelle de... mais Serge Bromberg interviewant Shin Hashimoto un petit peu avant en disant et en se demandant mais qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi il faisait ce film-là, etc. Donc il y a des gens qui comprennent pas forcément les films et pourtant ces films marchent bien. Mais ça marche bien, c'est-à-dire les spectateurs aiment bien quand même. Il y a beaucoup, ils reçoivent des prix, il y a des productions et pourtant on n'est pas dans l'exotisme, on n'est pas dans un film typiquement japonais, enfin avec ce qu'on pourrait s'attendre. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ça marche bien ou non? Je ne sais pas, c'est difficile de dire. Mais c'est vrai qu'il y avait, peut-être CARF, le collectif CARF, ils ont quand même une initiative, je pense, de cette nouvelle vague, parce qu'ils sont très motivés et ils savent quand même très bien de se promouvoir. Parce que beaucoup de jeunes cinéastes, ils ne savent pas trop comment faire au Japon. Mais ils ne sont pas très timides. Donc, ils vont vraiment au festival international depuis des années. Et ils font beaucoup de promotions. Et ils éditent des DVD eux-mêmes. Donc, je pense que ça motive les gens. Et ils en parlent de ce qu'ils ont fait dans les festivals internationaux. Et aussi, les réalisateurs internationaux, ils en parlent. Ils ont un réseau aussi avec tous les professionnels un peu partout. Donc, je pense que ça donne une idée aux jeunes étudiants, par exemple, l'école d'art. Et ils sont motivés. Ils ont dit, oui, on peut en faire aussi avec, comme vous. Et ils ont fait. Et en fait, ça les aide peut-être de développer leur propre qualité d'artiste. Parce qu'à l'école, au Japon, c'est, c'est un peu banal. Donc, souvent, j'ai regardé beaucoup de films de fin d'études, mais ce n'était pas très bien. Je trouve ça dur, parce qu'on a vu quelques films de Gedai. Gedai, c'est bien, mais avant. Vraiment... Oui, d'accord. Avant, oui, avant. Parce que c'est tout nouveau, le département de films d'animation à Gedai. Ça fait peut-être 4 ans. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais avant, il n'y avait vraiment pas beaucoup. D'accord, donc c'est vraiment... Et l'ouverture, elle est importante, parce qu'il n'y avait pas forcément avant. En effet, Keoyama est parti en Angleterre, c'est ça Canada. Canada, Atsushi Wada est parti... À Londres, il est ouais, à Londres. Voilà, Londres. Donc oui, c'est ça, et maintenant, il y a vraiment... Avant, les cinéastes japonais restaient en fait, au Japon et ne s'exportaient pas forcément. Mm-hmm. Et là, est-ce que le fait que justement, ils n'apportent pas une autre vision du Japon qui est un peu monolithique, enfin en France et en Europe, il y a un peu que l'idée de la Japanime, ou alors à la rigueur Ghibli, Miyazaki, comme ça. Et là, d'un seul coup, ils amènent une vision qui est complètement différente finalement. Ouais. Donc je pense que ça doit aussi aider. Oui, ouais. C'est ça vraiment, j'ai envie de présenter une autre sortie de films d'animation japonais. Parce que personnellement, moi, j'aime pas trop Japanimation. Ouais. Bien sûr, j'aime bien de la Japanimation et quand j'étais petite, j'ai regardé beaucoup sur la télé. Mais l'image sur les films d'animation japonais à l'étranger, c'est trop... c'est trop concentré sur Japanimation. Ouais. Mais il y a une autre sorte de films d'animation. Mais par exemple, Tanami, il fait beaucoup de films depuis 30 ans. Et Kuri aussi. Yoji Kuri aussi. Peut-être plus que Tanami, Keisanami, mais ils ne sont pas assez connus. Non, il faudrait sortir les DVD. Bah moi, oui, j'ai le DVD qui est sorti au Japon, mais il faudrait sortir. Yoji Kuri, c'est moi incroyable. Moi aussi, je viens. J'ai parlé avec lui, mais bon, c'est un peu difficile. Il était à Zagreb, ça devait être quelque chose d'exceptionnel de le voir. Ah oui, oui, très exceptionnel. Il avait plus de passeport, en fait. Parce qu'il ne sortait plus. Il a un peu arrêté de voyager parce qu'il a maintenant plus de 80 ans, donc il est très âgé. Mais bon, comme le festival a insisté, il a obtenu un passeport après 10 ans. Wow. Il a fait un voyage, mais je pense qu'il était un peu fatigué. Mais il était bien reçu au festival, c'était vraiment très sympa. Toi, Florentine, qui est fan d'animation japonaise, Japanime un petit peu, non, mais en tout cas, tu aimes bien certaines choses. Comme je regarde d'autres. Cette nouvelle génération, justement, elle est ce qui est plus proche d'un cinéma que tu fais, ou en tout cas que tu aimes bien. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, je le sépare pas du reste du monde du court-métrage international. Enfin, c'est de toute façon, entre la japanisation, finalement, c'est le monde de la série. Pour moi, les séries sont de toute façon moins intéressantes que le court-métrage. Donc, je mets pas forcément ces courts-métrages-là de la jeune réalisation japonaise à part du monde du court-métrage autre. Pour moi, effectivement, il y a une grande différence entre le court-métrage qu'on peut faire en animation et la série, que ce soit au Japon ou en France. Donc en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, grâce on connaît mieux les courts-métrages indépendants japonais, alors qu'avant, on avait l'impression que ça n'existait pas du tout. On pensait qu'il n'y avait que l'industrie de la Japanime. Mmh. Effectivement, c'est une meilleure connaissance, mais ça me paraît... souvent, ça me paraît plus fou, parce qu'il y a des choses graphiquement qui sont, qu'on ne voit pas autrement, mais des fois, les Européens peuvent faire aussi... Enfin, moi, je ne les mets pas à part comme quelque chose de... Est-ce qu'il n'y a pas une liberté de ton quand même, des fois, qui moi me surprend toujours et qu'on n'a pas forcément, qui est peut-être culturelle, je ne sais pas si on peut facilement, et c'est peut-être un peu trop facile. Je pense que c'est culturel. C'est culturel parce que cette liberté, parfois, se ressent en japanime. Des fois, on peut voir des choses comme ça, complètement folles ou complètement, même graphiquement, qui partent très loin. Et je pense que c'est plus culturel que... Faudrait voir. Ça sera un long débat à avoir. On parlait tout à l'heure de femmes. Là, j'ai parlé de Atsushi Wada, Mirai Misue, Keoyama. C'est que des hommes. Oui. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération Oui. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de femmes qui vient Il y a une femme maintenant. Oui. Une femme. Qui vient de Tokyo. Oui. D'une école Oui. Même école. Ouais. Que Atsushi. D'accord. Ouais. Et elle travaille un peu avec CAF. Elle aide un peu à la production. Peut-être vous avez vu ces films. On a projeté ces films à Clermont Ferrand l'année dernière dans le programme de Sacré Bleu. C'était quel film? C'était Le titre en français, je sais plus. Magot. Oui, bien sûr. Oui. C'est incroyable. Qu'elle avait fait aussi The. La femme qui volait Qui perd les films préférés. Oui, tout à fait. C'est une femme, une vision de la, la maternité de la famille assez étonnante. Une mère qui enlève tous les doigts et petit à petit tous les membres de son enfant pour qu'il reste à la maison. Et un truc assez fort et assez, ouais, très assez fort. Étonnant, fait sur verre. C'est de la, non, la peinture sur verre ou quoi. Un film absolument magnifique. Ouais, enfin, très bien. Ouais, moi, j'aime bien. Donc, tu commences à s'occuper d'elle. Et comment elle s'appelle? Shiroli. Saoli Shiroki. Saoli Shiroki. Oui. Elle n'a pas encore fait beaucoup de films depuis ce film que vous avez vu. Elle n'a pas fait. Et Maggot, c'est très particulier aussi. Hein, c'est un lapin avec un garçon, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, qui met des... Oui, oui, oui. Des, comment on appelle ça, Maggot? Je ne sais pas comment il s'appelle, mais Maggot... Voilà. dans un lapin mort pour leur faire vivre. Enfin, voilà. Maggot, c'est comme des chenilles, pas des chenilles, mais des... Enfin, voilà, un truc... Ah oui, tout à fait sympathique. Ah, très bien, oui, c'est ça. C'est assez étonnant comme ambiance. C'est une très belle. Enfin, très belle. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Donc, il y a des femmes qui arrivent. Qui arrivent. Et je cherche toujours des femmes, mais c'est vrai qu'il n'y a plus des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une, c'est une question qu'on se reposera bientôt. Et au niveau de la production, là, pour l'instant, il y a des envies. Donc Sacre Bleu, on l'a vu avec. On en parle à notre projet. D'accord. Donc il y a la possibilité aujourd'hui, il y a des productions françaises ou européennes qui sont intéressées par coproduire des réalisateurs ou des réalisatrices japonais. Mmh. Parce qu'en fait, c'était mon première intention de créer mes activités. La production était vraiment la priorité pour moi, mais c'est difficile la production, c'est le plus risqué. Donc j'ai commencé par la distribution parce qu'il faut que les films, les réalisateurs soient connus. Un peu quand même, au festival ou parmi des professionnels. Donc depuis 2 ans, les films sont circulés pas mal. Et donc les premiers animateurs comme Matsushi, Kei, Mirai, ils sont bien connus parmi les professionnels. Donc il y a des autres qui ont envie de travailler avec eux. Donc là, c'est vraiment le moment que je cherche des projets et coproducteurs. Et on développe un peu des travails aussi pour la télévision, par exemple, parce que bon... On a besoin un peu de gagner. Calf expliquait qu'il faisait de toute façon, comme beaucoup de sociétés, aussi bien de la publicité, faisait un peu de publicité à côté pour gagner de l'argent. Il y avait un nom que je ne connaissais pas. Alors, en plus, j'écris très mal. Donc, Greum, Kim Haken. Il est coréen. Il est coréen, c'est ça. Hein. Comment on trouve... il a travaillé au Japon, c'est pour ça que... Il était au Japon. Et il est à l'école de Koji Yamamura, il est à Gaidai. Ah d'accord. Ouais. Et Gurium, c'était son film de fin des études d'une autre université, à Tokyo. Et donc en ce moment, il est en train de finir ses études à Gaidai. L'année prochaine, ouais. D'accord. Donc il est en train de travailler sur le dernier film. Et il y a un autre réalisateur coréen aussi. D'accord. C'est des allers-retours incessants entre la France et le Japon pour aller voir les films de fin d'études, pour essayer de suivre et tout. C'est combien? C'est des voyages tout le temps Pas tous les mois, hein, parce que c'est trop long quand même. 2 fois par an. D'accord. Et sinon, j'ai toujours beaucoup d'informations qui viennent du Japon et j'ai pas mal de réseaux. Donc, je cherche toujours des films de jeunes cinéastes. Et maintenant, tout le monde connaît que... j'aime bien des films très particuliers. Donc, c'est plus facile de trouver des informations. Ouais. On reçoit des infos comme ça, des dossiers ou des choses comme ça. Ouais. Je ne sais pas si je l'avais cité, mais c'est vrai que j'avais passé. Il y a une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kondo Akino. Ah oui, oui, elle est bien aussi. J'aime bien. Mais qui a déjà un agent qui est aussi beaucoup plus dans l'art contemporain. Oui, elle est plutôt dans l'art contemporain. Donc, il y a le Galerie. Voilà, qui s'en occupe. Oui. J'ai cru comprendre en effet que c'était compliqué, que c'était pas c'est compliqué d'avoir ce film. On a réussi à passer un film de un bout de 2 minutes, mais on sentait que c'était c'était pas évident d'avoir les films. Ça dépend de galerie, parce que par exemple, Kei Sanami, il travaille aussi au milieu de l'art contemporain, donc il y a une galerie. Mais on a vraiment bonne relation avec la galerie, donc il s'occupe des autres œuvres d'art, et moi je m'occupe de films. On partage un peu... des travaux de Kei Sanami, mais c'est pas toujours facile avec les galeries de la contemporaine. Sandra, on va pas aller chercher de l'argent au Japon? Alors moi, j'avais cherché des réalisatrices japonaises à un moment donné aussi pour le projet. Mmh. Parce que je trouve que c'est très... Enfin, ils ont déjà cette culture de l'animation et du hentai aussi, donc... Voilà, ça me paraissait évident. Et en même temps, c'est très compliqué parce que les noms japonais, on ne sait jamais si c'est masculin ou féminin, nous ici. Donc voilà, donc j'ai rien trouvé en fait. J'ai trouvé des auteurs de BD, genre Kiriko Nananan, ce genre de personnes, mais qui ne font pas de l'animation. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un guide. Tu penses qu'il y a plus de femmes en BD, c'est vrai, au Japon? Oui, ouais. Je pense. Ouais. Il y a beaucoup de mangaka, c'est ça. Femmes, alors que l'animation, femme, elle n'a pas encore. Un peu comme en France, ça va venir. Hein, ça va venir. En France, il y a pas mal de... c'était vrai. Très loin du micro. Oui, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Mais bon, il y a aussi pas mal de... Enfin, après, c'est un peu... Je pense qu'en BD, c'est un peu le même problème. Enfin, c'est toujours... Il y a des jeunes qui sortent d'école de BD ou qui font des bandes dessinées, puis ça rejoint un peu, je pense, notre dernière émission. Notre débat, voilà. C'est ça, c'est... Il y en a pas mal, mais après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon, on va faire une petite coupure. Juste, évidemment, si vous voulez regarder, je vous l'ai dit, sur le site, il faut regarder. Alors, c'est pas évident parce que carte blanche, comme c'est un nom, c'est www. Et c'est C, trait d'union, A, trait d'union, R, trait d'union, T, trait d'union, E, trait d'union, et puis blanche, tout attaché, non? .com, oui. C'est ça. Parfait, merci. Voilà, donc le trait d'union, c'est évidemment le fameux 1 sous le 6, là, voilà, c'est celui qui est au milieu, qui n'est pas évident. Moi, je l'ai en signé, heureusement, parce que sinon, si vous tapez carte blanche, vous avez droit à plein de choses sur carte blanche, oui. Même animation, donc voilà. Donc, il y a un trait d'union entre tous les recartes, toutes les lettres de carte, et ensuite blanche en attaché. Ou The Great Rabbit en YouTube. Peut-être que ça sera plus facile, voilà, de l'entrouver. Sinon, vous récupérez. Ou sinon, il y a une chaîne Vimeo. De toute façon, vous avez tout sur The Web Anime. Alors, on va passer au morceau 3, qui fait normalement 10 minutes 40. On va en passer 3 minutes. 3 minutes. Ah, voilà. Tu mets 3 minutes 30, je te dirai, dans ce cas-là, je te couperai. C'est un groupe qui s'appelle Dark Space. C'est tiré de leur troisième album. Le morceau s'appelle 3.12, parce que c'est leur deuxième morceau, il n'y a pas de nom. C'est ce qu'on appelle du doom. Le doom, c'est une musique très lourde, très pesante comme ça. Et voilà, qui normalement vous prenez physiquement parce que... Donc voilà, on écoute Dark Space, c'est un groupe suisse, ils sont trois. Et j'aime beaucoup, je vous préviens, c'est tout. Voilà, donc peut-être pas trop fort. Ah, mais bon, moi j'écoute ça très fort, mais bon, voilà, je te laisse faire. Est-ce que tu remues ta tête? Bien sûr, je fais du headbang tout le temps. D'ailleurs, je vais vous le faire en direct.